Des autres étrangers sont arrivés le 11 à Pyongyang pour participer au 21e Floralie de Kim Jong-il. Ce sont la délégation de l'association mongole de Kim Jong-il, conduite par Renchi Yahabumong Erdene, ainsi que Wang Wuji, directeur de la maison d'édition de revue des peintres de Chine, Tang Mingshu, président-directeur général de la compagnie de commerce à responsabilité limitée Piaolei de Tangshan de Chine, et Li Sanggu, président-directeur général de la compagnie commerciale à responsabilité limitée Tianxin de Yanbian de Chine, et leur suite.